Il est midi. Votre attention, s'il vous plaît. Veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle qui gêne la retransmission d'angle d'attaque et que rien ne s'oppose à l'ouverture à une autre vision du monde. Angle d'attaque, tous les troisièmes samedis du mois, de 12h à 13h sur Radio Campus. Bonjour, il est midi sur les ondes de Radio Campus, sur campuslille.com et sur DAB+, et vous faites bien d'écouter Angle d'attaque, une émission proposée par les trois attaques de la métropole lilloise. Attaque A2TAC, l'association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. À la réalisation de l'émission, bien sûr, Florent, qui proposera une pause musicale et en conclusion ses bonnes idées de sortie militante. Il y aura même deux pauses, en fait. Au micro, une équipe enrichie, puisque nous accueillons un petit nouveau, Didier, qui passe de l'autre côté du micro, si on peut dire, puisqu'il est venu déjà comme interviewé plusieurs fois. Bienvenue, Didier. Tu seras accompagné par Ludovic, René Lascience, qui fera aussi le point sur les activités d'attaque. Et Christian, de quoi parlons-nous aujourd'hui ? Tout simplement de ce dont vous parlez depuis à peu près un mois et demi, de la réforme des retraites. Enfin, de celle qu'on veut nous imposer à toute force. Et réforme dont le caractère idéologique s'inscrit bien dans l'ordre des choses néolibérales. On est bien dans l'esprit de défaire méthodiquement le programme du CNR, ce compromis entre gaullistes et communistes. Vous avez reconnu l'auteur de cette venimeuse citation ? Non, Monsieur Kessler. Ah oui, voilà, Kessler, donc vice-président du MEDEF et accessoirement grand patron d'une société d'assurance. Ça, je ne sais plus laquelle, par contre. Cette destruction, déconstruction méthodique du programme du CNS va au-delà du CNR, puisqu'il s'agit aussi de démanteler des systèmes de retraite qui existaient avant le Conseil national de la Résistance. Bien, pour parler de ce sujet incandescent, un syndicaliste déjà invité à cette émission pour la loi El Khomri, c'est ça ? Tout à fait. Ah oui. Et dont nous avons apprécié la clarté et le sens pédagogique. Bienvenue à toi, Marcus, aujourd'hui. Pardon, Vladimir Marcus. Oui, bonjour à toutes et tous. Voilà. On va commencer par, puisqu'on a un paquet de questions, on va commencer par la première, en fait. Et c'est René qui va la poser. Oui. Vladimir, pourrais-tu nous reparler des origines de notre système de retraite actuel ? Bien. Ça a été un peu évoqué. En fait, il y a eu des systèmes de retraite qui se sont constitués dans l'histoire, avec un premier système de retraite mis en place, le fameux régime spécial qui a été pour les marins en 1673 par Colbert. Ensuite, il y a eu un système qui s'est mis en place en 1898 sur les accidents du travail en France. Il y a eu un premier régime en 1930 qui était un régime d'assurance sociale générale. Mais le système de retraite tel qu'on le connaît, il a été mis en place, tiré du programme du Conseil national de la Résistance en 1945, donc un système d'assurance sociale complet qui comprend la retraite, la maladie, et ce sera ensuite adjoint ce qui est la branche famille. Donc ce système se met en place en 1945 et il est inscrit en préambule de la Constitution de la 4e République en 1946. Donc sa particularité, c'est que c'est un régime qui est dit de répartition, qui est basé sur les cotisations sociales, qui est un peu le système qu'avait mis en place Bismarck en Allemagne, donc basé sur les cotisations sociales, et qui est différent d'un système qui est financé par l'impôt, comme c'est le cas en Grande-Bretagne, parce qu'il existe aussi une solidarité sociale en Grande-Bretagne, une sécurité sociale, mais par contre, c'est financé par l'impôt, donc c'est décidé par le pouvoir politique, le montant, en quelque sorte. Alors, la composition entre Beveridge et Bismarck. Voilà. Les deux systèmes sont différents. Mais le système de protection sociale a existé en Grande-Bretagne avec, par exemple, la médecine gratuite pour tous. Il a été démantelé par Margaret Thatcher dans les années 80. D'accord. Donc, ensuite, il y a plusieurs attaques contre le système de répartition. Je pense que ça commence avec la Banque mondiale, d'ailleurs, en 1994. Mais il y avait déjà quelque chose en 1993. Et peut-être l'OCDE aussi critiquait aussi le système de retraite, non ? René ? Je pense que oui. Il y a récemment, d'ailleurs, des textes de l'OCDE qui parlent curieusement qu'il ne faut laisser personne sur le bord de la route, mais on sait bien que ces textes sont souvent trompeurs. Mais je pense que à partir des années 80, puisqu'on était dans l'idéologie néolibérale, ces différents organismes internationaux, dont l'OCDE, la Banque mondiale, etc., ont fait passer des notes, je dirais, visant à réorienter ou à réencadrer les différents systèmes de retraite, notamment peut-être en Europe où ils étaient les plus généreux. Et je crois qu'ici en France, la régression, si on peut dire, commence à partir de 1993. C'est la réforme dite Balladur, passée pendant le mois d'août 1993, qui modifie donc ce qui existait, en tout cas depuis au niveau de la depuis 1945, sur le fait il y a deux mesures qui sont prises. Pour le régime de droit commun, donc pour les salariés qu'on appelle du privé, jusqu'à 1993, la cotisation était calculée sur les 10 meilleures années de la carrière. Balladur décide que désormais, pour les salariés du privé, donc ça passera sur les 25 meilleures années de la carrière. On peut voir que dans le projet actuel, on nous indique que ça sera sur toute la carrière. Autre mesure prise par Balladur, c'est que les pensions de retraite étaient auparavant indexées sur la hausse des salaires. Avec la réforme Balladur, elles sont désormais indexées sur la hausse des prix. D'une manière générale, puisque la richesse augmente, les salaires augmentent aussi un petit peu, moins que la richesse, au niveau redistribution. Mais évidemment, c'était plus favorable que les pensions soient indexées sur les salaires que sur les prix. D'ailleurs, le gouvernement actuel propose, lui, de réindexer sur les salaires, ce qui a déjà été le cas précédemment. On promet que ça sera réindexé sur les salaires et ça n'est pas mis en place. Donc ensuite, il y aura d'autres... Ça, c'était la première contre-réforme, on peut dire. Ensuite, il y en aura d'autres qui vont se succéder. Il y a Fillon. En 2003. Lui, on passe à 42 ans de l'âge légal, la durée de cotisation, pardon. Oui, alors c'est-à-dire, oui, parce que dans la réforme Balladur, j'ai eu un troisième point, c'est que auparavant, que l'on soit salarié ou fonctionnaire, il fallait avoir cotisé pendant 37 ans et demi pour avoir une retraite à taux plein et partir à l'âge de 60 ans. L'âge de 60 ans qui avait été acquis par les réformes Auroux en 1982, alors qu'à l'origine, l'âge de départ était à 65 ans, en 1945. Donc en 1982, loi Auroux, on baisse l'âge de départ à la retraite à la 60 ans. Et donc la réforme Fillon, la réforme Balladur passe le nombre d'annuités nécessaires pour les salariés du privé à 40 annuités. Ensuite, il y aura donc la première réforme Fillon en 2003. Auparavant, il y aura la tentative quand même du gouvernement Juppé de faire passer les salariés des entreprises publiques et fonctionnaires sur le même régime que le régime privé, c'est-à-dire les passer à 40 annuités de cotisation. C'était en 1997. 95, qui donnera lieu à un mouvement de mobilisation des salariés extrêmement important et qui aboutira au fait que le projet sera retiré provisoirement. Donc la réforme Fillon, elle revient là-dessus, évidemment, en 2003, puisqu'elle indique que désormais, tout le monde passera progressivement sur 42 années de cotisations pour les salariés privés et qu'on va en finir avec progressivement aussi avec les régimes dits spéciaux pour que tout le monde soit aligné de la même manière au nom de l'équité. Et ça sera complété par la réforme de 2010 qui en finira officiellement donc avec les différences entre public et privé sur le nombre d'annuités en tout cas. Donc c'est la réforme Wurst. C'est Wurst. Et dans cette seconde réforme, on dira aussi que désormais, en fonction de l'augmentation de l'espérance de vie, eh bien, la durée de cotisation pourra augmenter d'un trimestre par an. Et aussi en 2014, justement, on met en place aussi, on continue à mettre en place cet allongement progressif en fonction de l'âge, je crois, et on passe de 166 à 172 trimestres. Oui, alors ça, c'est la réforme de Marisol Touraine. Hein. Oui. Donc, ce n'est plus un gouvernement de droite, c'est un gouvernement dit de gauche qui prend cette mesure-là. Voilà. Bah, officiellement, c'est ça. Hein. Oui, officiellement, oui, c'est le parti dit socialiste qui est au pouvoir. Donc, c'est censé être un gouvernement qui met en place des mesures sociales, comme il avait pu le faire en 1982. Mais là, c'est le contraire. On va dans l'autre sens. Hein. On applique aussi les politiques libérales, et ce qui se pratique d'ailleurs partout en Europe. Voilà, donc, moi, je te propose un truc. J'ai parlé de la Banque mondiale, mais je trouve que c'est une bonne façon de décliner la réforme actuelle. La Banque mondiale écrit en 1994 dans un truc qui s'appelle « Averting the Old Age Crisis », donc « Éviter la crise de la vieillesse ». Donc, il propose trois choses. Un système géré publiquement avec une participation obligatoire et l'objectif limité de réduire la pauvreté chez les personnes âgées. 2. Un système d'épargne obligatoire à gestion privée. 3. L'épargne volontaire. Voilà à peu près le cadre de ce qui est proposé. C'est-à-dire quelque chose compliqué par Édouard Philippe et puis Beauvoir, un système universel qui va favoriser tout le monde. Est-ce qu'on est bien d'accord là-dessus ? Et oui. Égalitaire. Oui, c'est ce qui est annoncé officiellement. On voit que là où ce système a été mis en place... Par exemple, en Suède, qui a été le modèle de tous les gouvernements français, qu'ils soient dits de gauche ou de droite, c'est justement un système de retraite par points. On s'aperçoit sur la durée que ce système il a entraîné une baisse des pensions de 20%. Sur le système allemand, qui est passé aussi à un système équivalent par points, les pensions ont baissé de 30%. Quant à la Grèce, elle détient le record d'Europe, puisque son système, depuis que le système de retraite par points a été mis en place, les pensions de retraite ont baissé à 22 reprises. Est-ce que tu peux rappeler éventuellement le principe même d'une retraite à points ? C'est quoi la différence avec la... La retraite par répartition, c'est basé sur les cotisations donc des salariés... et les cotisations patronales. Chacun paye un pourcentage défini, il doit travailler un certain nombre d'annuités, ses cotisations. On peut donc estimer, en fonction du nombre d'années travaillées, ce qu'on va toucher à sa retraite. En gros, on est, bien que les conditions au niveau de ce qui est fixé, des conditions de départ soient différentes dans le privé, et dans le public, en gros, un salarié qui partait à la retraite, qu'il soit dans l'un ou l'autre, avait un pourcentage à peu près équivalent. Mais il pouvait connaître sa retraite future. Elle ne fluctuait pas. Oui, c'est ce qu'on appelle le système à prestations définies. C'est ça. Tandis que la retraite à points, ça devient totalement indéfini. C'est-à-dire qu'on nous dit... À chaque heure travaillée, vous voyez, c'est un avantage, chaque heure travaillée, vous aurez des points. Sauf que la valeur du point, elle n'est pas définie. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, quelqu'un qui commence à travailler, qui sait, allez, un hasard, qu'il va rester dans la même entreprise, par exemple une entreprise comme Orange, pour toute sa carrière, avec le système à points, il ne sait pas ce qu'il aura aujourd'hui, s'il travaille chez Orange, quand il partira en retraite. Et là, oui, c'est ce qu'on appelle là, le système à cotisation défini. Et on ne connaît pas le montant. Oui, donc quand on nous dit chaque euro, enfin, ça sera un euro pour chaque heure travaillée ou un truc comme ça, voilà. Eh ben, on ne sait pas du tout à la sortie ce qu'on aura comme montant de retraite, puisque on nous dit aussi par ailleurs que on ne doit pas dépasser, c'est le patronat qui le dit, le taux de 14% du PIB consacré aux retraites. Donc, comme le nombre de retraités alors, va augmenter, par définition, si le nombre de retraités augmente, mais que la part du gâteau est toujours la même, la part pour chaque retraité va baisser. Ça s'ajoute au fait que si on calcule donc la retraite sur l'ensemble de la carrière et non plus sur 25 ans, bah, l'ensemble de la carrière, si on a travaillé 37 ans, 40 ans, 43 ans, évidemment, la retraite sera plus faible que si on prend sur les 25 meilleures années, et encore plus, évidemment, si on compare aux 10 meilleures années, qui était le système le plus favorable qui existait jusqu'en 1993. Parce qu'il est bien évident qu'en général, on touche plus en fin de carrière qu'en début. Donc, tout simplement, donc mécaniquement, il y a deux facteurs qui font que la pension de retraite va automatiquement baisser avec un système de retraite par points. Et on peut rajouter plein d'autres raisons. C'est que les ressources aussi n'augmentent pas, puisqu'il y aura plus de retraités et qu'on dit que la part du PIB consacré ne doit pas bouger et qu'on supprime des ressources. Sauf s'il y a une croissance spectaculaire du PIB, ce qui n'est pas du tout actuellement. C'est ce que prévoit le COR, justement. Oui. Le COR fait un calcul, d'ailleurs, qui est complètement, à mon avis, très discutable, hein, qui part du principe que la croissance va plus ou moins augmenter. Or, on sait que là-dessus, je vous renvoie un papier de Jean Gadret qui a bien montré qu'évidemment, les calculs du COR sont éminemment discutables. Et donc, effectivement, tu as raison, la question de la croissance va poser problème par rapport à la question du financement des retraites. Non, puis il y a le nombre de... le fait que les salaires sont gelés, donc sur la part de cotisation, ça baisse. Sur le fait que l'inégalité salariale homme-femme perdure, que les derniers chiffres sont toujours que les femmes donc touchent moins en rémunération que les hommes, environ 22 ou 23% en moins. Que arrivée à l'âge de la retraite, une femme en moyenne touchait en 2016 69% de la part de la retraite d'un homme. Donc cet écart-là, il ne va que croître avec un système aussi calculé sur l'ensemble de la carrière. Donc tant qu'on ne résout pas déjà la question du partage des richesses au niveau des salaires, on n'arrivera pas à alimenter les caisses de retraite pour qu'effectivement la retraite soit décente. Oui, là on parle en fait du régime de base de la branche vieillesse de la sécurité sociale, mais en fait il y a déjà un système par points qui existe actuellement. Oui, alors il y a le système Argic-Arco qui représente à peu près à un tiers de la retraite d'un salarié du privé. Alors avant la réforme qu'on nous propose, cette réforme systémique, passage à la retraite par points, il y a eu une réforme de ce régime complémentaire en 2019 qui a été validée par l'ensemble des organisations, la majorité des organisations syndicales qui ont siégé et qui déjà instaure un système de décote, c'est-à-dire un malus temporaire pour les gens qui partiront à la retraite avant 62 ans plutôt. Oui, donc ce malus est de 10%. Et on a des collègues qui travaillent dans les centres d'appel, qui viennent de partir en retraite là. Enfin, à 60 ans, il n'y a pas beaucoup dans les centres d'appel, mais en l'occurrence là. Et il vient sur son premier bulletin de retraite, il vient recevoir la mention moins 10% au titre de la solidarité. Donc on retrouve déjà dans cette réforme ce qu'ils voulaient faire passer avec l'âge pivot. Bah, aujourd'hui, ça s'appelle l'âge d'équilibre, hein, ça s'appelle plus l'âge pivot. Mais ça revient au même, c'est-à-dire qu'on dira à partir d'un certain moment, si on n'a pas le financement, on est obligé de baisser vos prestations ou d'introduire des clauses de bonus-malus, en l'occurrence malus, ou alors on est obligé de reculer l'âge légal de départ en retraite. La seule alternative, c'est ou baisser les pensions, ou partir plus tard. En gros, ça se résume à ça pour le gouvernement. Or, il y a bien d'autres solutions. Alors, quelle solution, du coup? La solution, déjà, c'est d'augmenter les recettes. Pour augmenter les recettes, Bon, il y a plusieurs facteurs. En premier lieu, il y a la question de l'emploi. C'est évident que dans un pays où on compte à peu près 5 millions de sans emploi, ça fait des cotisations en moins. Donc, un gros problème déjà, c'est la question du chômage des sans-emploi, puisque tout salarié cotise, donc il amène de l'argent dans les caisses aussi des assurances sociales. Le deuxième point, c'est l'égalité salariale femmes-hommes. Aujourd'hui, c'est réduire. Il y a eu 3 lois sur l'égalité professionnelle depuis 1982. Or, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, l'écart de salaire homme-femme existe toujours autant. L'exemple, sur une carrière, en dehors du fait qu'une femme qui va être embauchée dans une entreprise lambda va toucher la même chose qu'un homme qui est embauché, en employé par exemple, on va voir l'écart salarial se creuser au fil des années. Par exemple, quand une femme prend un congé parental, eh bien, on considère que ses annuités sont valides, mais par contre, on considère qu'elle n'a pas cotisé pour partie. Donc, l'écart se creuse. S'il y a plusieurs congés parentaux, donc plusieurs enfants, souvent, eh bien, déjà, il y a un écart. Autre chose, les salariés du privé ont souvent des systèmes de primes. Dans ces primes, il y a des clauses de présentéisme. Si une femme a des enfants, en général, quand un enfant est malade, qui s'arrête, l'homme ou la femme? La femme. Souvent aussi parce qu'elle a le plus petit salaire. Et donc, par effet mécanique, elle aura moins de primes qu'un homme. Donc, au final, tous ces éléments qui constitueront la base de sa pension de retraite sont inférieurs. Donc, une des grandes mesures, c'est déjà d'appliquer l'égalité salariale homme-femme dans tous les points et faire en sorte de prendre les mesures qui feront que le revenu sera égal et pas simplement le salaire d'embauche. Et également le fait de mettre à niveau le niveau des retraites, puisqu'on nous parle effectivement du problème de financement des retraites. Il s'agit quand même de compléter ce qui manque, c'est-à-dire notamment la part des femmes et notamment la part des salariés qui manquent, qui ne cotisent pas, ni leurs employeurs d'ailleurs, et qui pourraient mettre à égalité, à niveau en fait, le financement de la retraite. Et non pas en déficit, comme on prétend le dire aujourd'hui, comme on le dit aujourd'hui, mais dont on peut croire qu'il est plutôt une manipulation du gouvernement. Et puis il y a un troisième point à aborder, évidemment, c'est l'augmentation des cotisations patronales. Bien sûr. Hein, puisque toutes les cotisations patronales ont baissé au fil des ans, et que je crois qu'il y avait eu des contacts, des analyses qui avaient été faites déjà en 2003 et 2010, que si les cotisations patronales augmentaient de 1%, il n'y avait plus aucun problème de financement des retraites. On pourrait rajouter à ça, puisqu'on supprime de plus en plus d'emplois humains qu'on remplace par des robots, par exemple les caissières de supermarché, ou la digitalisation dans les entreprises de télécommunications, les centres d'appel, on pourrait taxer aussi les robots. Enfin, il y a beaucoup de pistes qui ne cotisent pas par définition, ils ne sont jamais malades. Mais on pourrait aussi imaginer des tas de pistes pour assurer un système et faire effectivement que tout le monde arrive au niveau le plus haut. Parce que le programme d'origine n'a pas pu aligner tout le monde sur les régimes spéciaux. Mais l'objectif était bien que chacun ait le meilleur. Ce n'était pas possible en 1945. Vu le niveau de richesse aujourd'hui, ça serait possible. On va faire une petite pause. Là. Mais enfin, la retraite à 80 ans, ça c'est du progrès. 70 piges au compteur, vas-y papy, c'est toi le meilleur. Plus que 10 ans sur les chantiers. Comme tu sucres un peu les fraises, au marteau piqueur t'es balèze, c'est toi qui le fais trembler. Allez, allez, les vieux au boulot. Fallait penser à mourir plus tôt. 75 ans comme un déclic, passionné de grande musique. Tu es livreur de piano, même si tu ressembles à Petrucciani. 80 ans, ça se complique, la vie est dure comme un coup de trick. Tu es aussi acteur porno. Allez, allez, les vieux au boulot. Fallait penser. T'affole pas ma petite mémé, ton beau voyage organisé, tu vas le faire encore bien. T'affole pas mon petit pépé, toi qui espérais jardiner, on va t'aider à creuser ton trou au cimetière. Allez, allez, les vieux au boulot, on va vous faire mourir plus tôt. C'était donc Frédéric Fourmé, Les Vieux au boulot. Et on reprend la suite de l'interview. Et jusque 80 ans. On reprend la suite de l'interview. Alors, j'étais un peu troublé par le fait qu'on s'est interrompu pour une fois au milieu de l'interview. Et donc, je vais laisser la parole un mot avant d'attaquer le deuxième point. Un mot à Ludovic. Ah oui, la diminution des cotisations, on en parlait, vient aussi du fait que le gouvernement a décidé d'enlever la participation des gens qui gagnent plus de 10 000 euros à cette fameuse cotisation. Alors qu'avant, c'était 27 000 euros. Là aussi, effectivement... Exactement, la cotisation est ramenée à 2,8%, y compris pour ceux qui touchent plus de 10 000 euros, elle ne monte plus. Donc on a estimé que la perte de recettes, c'est 7 milliards d'euros. De la même façon, l'égalité salariale femmes-hommes amènerait immédiatement 6 milliards d'euros dans les caisses des cotisations sociales. Donc de l'argent, il y en a, comme dit le slogan, dans les poches du patronat. Oui, effectivement. Alors, on va passer, on voulait faire quelque chose d'un peu différent, puisque, comme tu l'as fait remarquer par mail, Vladimir, c'est un sujet qui est rebattu et on connaît beaucoup les choses. Mais il y a une chose sur laquelle vous l'insistez, Didier, c'est l'état de la mobilisation. Et on a essayé de réfléchir, enfin surtout lui d'ailleurs, à cette question-là, comment ça se mobilise aujourd'hui, après 40 et quelques jours de grève? Ouais, Didier, donc, toi. J'ai quelques questions précises. Donc, bon, au bout de 45 jours de grève reconductible, donc inévitablement, on pense au mouvement de novembre-décembre 1995. Donc, Vlad, sur le pourcentage des grévistes dans les différents secteurs professionnels, est-ce que bon, c'est pas à la hauteur de 1995? Est-ce que tu as des notions de chiffres à peu près Disons, pour ce qui est des transports, c'est largement la hauteur de 1995 pour le secteur, en tout cas, des transports urbains à Paris et pour la SNCF, puisque quasiment l'ensemble des syndicats ont maintenu la reconduction, le rappel à maintenir la reconduction de la grève, y compris les syndicats dont les dirigeants, par exemple l'UNSA ou la CFDT, avait appelé au compromis à partir du moment où le gouvernement avait retiré le fameux âge pivot. Donc là, il n'y a pas de souci, la mobilisation est très forte, toujours très forte, et elle est même historiquement forte, puisque il n'y avait jamais eu de grève aussi longue à la SNCF, y compris en 1986. Donc tous les records sont au vert, on peut dire, là-dessus. Par contre, ce qui s'était passé, c'est qu'en 1995, il y avait l'effet grève par procuration avait quand même beaucoup marché, et que des entreprises où les gens n'avaient pas le pouvoir de blocage des transports, parce que le gros problème, c'est ça aussi, c'est que comment tu peux, en dehors de la question financière, c'est dans le type d'entreprise de travail par exemple, où on ne produit pas directement, ce qu'on appelle le travail immatériel, comment tu bloques la production? C'est très compliqué. Tu peux pas. Donc, il y avait cet effet-là en 95, mais malheureusement, le secteur privé n'est pas rentré massivement dans la lutte en 1995. Par contre, ce qui était le secteur des entreprises publiques, EDF, GDF, les PTT sont rentrés massivement dans la grève. Enfin, massivement, pas autant que les transports. C'était entre 20 et 30% de grévistes quand même dans ces entreprises-là. Aujourd'hui, les chiffres sont beaucoup plus faibles dans ces secteurs-là. La moulinette de la libéralisation et de la privatisation est passée par là. Et donc on voit par exemple pour des entreprises comme Orange, quand on compare à ce qu'était France Télécom, le taux de grévistes c'est plus 22 ou 30%, c'est entre 3 et 7% sur les journées de grève. Donc c'est très faible. Par contre, inversement, on a un développement des grèves sous forme. Alors, c'est pas la grève totale reconductible. Chaque jour, on fait des piquets de grève, on bloque l'entreprise. Mais il y a de très nombreux secteurs où il y a des participations sous forme de débrayage aux heures de plus forte activité, des choses comme ça, qui se répètent depuis maintenant un certain nombre de semaines. Avec plus une accentuation quand il y a des manifestations importantes. Alors ça ne veut pas dire que tous les salariés, loin de là, participent aux manifestations, surtout vu le niveau de répression atteint aujourd'hui. Mais en tout cas, la grève, elle s'est répandue dans un secteur où il n'y avait pas grève en 1995. Comme les avocats, par exemple. C'est des gens qui, a priori, ne faisaient pas grève en 1995. Semble. Oui, mais pour d'autres raisons. Ils ont un régime particulier de retraite avantageux qui tienne à conserver. Mais un avocat, ce n'est pas un salarié. Un avocat, il paye son cabinet, oui, il paye des assistants, etc. Mais tu parlais du recul de certains syndicats par rapport à cette supercherie de l'âge pivot, notamment CFDT, UNSA, CFTC, enfin les syndicats dits réformistes. Est-ce que on parle d'un certain divorce entre la base et les directions de ces syndicats? Est-ce que tu peux en parler? La CFTC, elle n'a pas appelé à la grève du tout. Donc son cas est réglé. Par contre, la CFDT cheminot, elle n'existe pas à la RATP, donc la CFDT cheminot a appelé à la grève. Aujourd'hui, elle maintient son appel à la grève. Le SGEN CFDT de l'enseignement, par exemple, demande aussi le retrait de cette loi. Ça, c'est récent. Mmh. C'est-à-dire qu'après étude des différentes rencontres, des propositions du gouvernement, tout devient de plus en plus flou et tout le monde commence à s'apercevoir, et ça sort y compris dans la presse officielle, que 80% des retraités vont y perdre. Donc là, ça commence quand même à traverser les esprits de tout le monde, y compris ceux qui disaient « c'est une bonne réforme, ça sera plus juste », etc. Après, sur la mobilisation, c'est sûr qu'au bout de 43 jours, c'est très difficile de dire « oui, forcément, il y a un affaiblissement, c'est-à-dire qu'il y a un nombre de grévistes en baisse à la RATP, à la SNCF, c'est inévitable. Mmh. » Mais par contre, il y a d'autres secteurs qui sont rentrés en lutte, les raffineries, les dockers, qui ont aussi certains pouvoirs de blocage. Un immense pouvoir. Donc la situation n'est pas réglée. Il y a des supermarchés où il y a eu des mouvements de grève, où ils ont bloqué l'approvisionnement. Il y a quand même une colère sociale qui est très forte et un mouvement qui s'est réglé. Puis il y a ce qui a été hérité un peu du mouvement des Gilets jaunes. C'est-à-dire qu'il y a un type d'action qui n'existait pas dans l'action syndicale depuis bien bien longtemps. Faire des opérations coup de poing médiatiques, aller chercher Macron chez lui, ou au théâtre, ou au Touquet. Le siège de la CFDT aussi. Ou au Touquet, ou aller au siège de la CFDT, là aussi, la grande rentrée dans un bâtiment syndical. Après tout, un salarié, il peut rentrer pour demander des comptes ou avoir des renseignements. Tout a été filmé en vidéo. Dire qu'il y a eu des violences et des agressions physiques, mais c'est hallucinant. Il n'y a eu aucune violence. Il y a des gens qui sont rentrés, ils ont chanté, ils ont polémiqué avec un gars qui défendait la CFDT, qui a eu le culot de leur dire « Allez au boulot, reprenez le boulot ». Voilà la grande violence exercée par les traminots, les cheminots qui se sont rendus sur place. Mais pour en revenir à des modes de mobilisation plus classiques, est-ce que tu crois que les deux ou trois manifestations par semaine, maintenant, ça tend pas aussi à affaiblir un peu le mouvement? C'est sûr que ça s'essouffle. C'est très compliqué d'appeler les gens tout le temps à être mobilisés. Encore une fois, en plus, vu le niveau de répression policière, je pense que c'est assez dissuasif pour certains. Moi, j'ai pas mal de collègues de mon syndicat qui sont jeunes, a priori, donc ils sont pas concernés immédiatement. Hein. Ils sont plus concernés par la fin de mois que par leur fin de vie. Mmh. Ça, c'est une évidence. Pourtant, ils sont bien conscients que... Parce qu'on leur explique ça aussi, c'est notre rôle en tant que syndicaliste, qu'il y a un lien entre la retraite et toute la protection sociale, entre la santé, que tout ça c'est lié, et que globalement ils s'attaquent à toute la protection sociale, et pas simplement à la question de la retraite, parce qu'on pourrait plus la financer, ce qui est d'ailleurs faux. Donc, par contre, il y a une grande peur quand même, quand on voit les images des manifestations à Paris, de ce qu'on a vu, les gens éborgnés, les gens qui ont perdu une main, les matraquages, les gens pris au hasard dans un cortège pour terroriser les autres, ça refroidit. C'est le moins. C'est le but. C'est le but. De dissuader les gens. Et ça marche en partie. Après, il y a... Chez les plus modérés. Il y a l'épuisement, c'est-à-dire que ne vont aux manifs régulières que les militants. Mmh. Ou ceux qui ont des détachements syndicaux, ou ceux qui sont vraiment en grève reconductible, ce qui forcément limite le nombre de participants. Moi, ce que je vois sur l'île quand même, c'est qu'il y a non seulement les manifs syndicales, mais les manifs samedi que faisaient les Gilets jaunes continuent, qui sont rejoints par des syndicats, et qu'il y a une convergence qui s'est faite, depuis le mois de septembre en tout cas à l'île, 2019, il y a une convergence entre les associations qui étaient sur le domaine, disons, de l'écologie, les Amis de la Terre, Amis 21, Extinction, Rébellion. Les marches pour le climat. Attaque, mais attaque, c'est pas nouveau avec les syndicats. Oui. Ce qui est nouveau, c'est la jonction qui s'est faite d'abord avec les Gilets jaunes, qui a été compliquée, mais en tout cas à Lille, ça a été réussi, à deux reprises, et qui ensuite s'est systématisée à partir de septembre 2019 sur la question des retraites aujourd'hui. On a une grosse partie des Gilets jaunes du Nord qui participent aux manifestations sur la question des retraites, par exemple. Juste une question sur le traitement des médias, on va dire dominants, quoi. Notamment, je pense à la couverture du Point sur la CGT qui ruine la France. Enfin, qu'est-ce que tu penses du je parle pas des médias alternatifs, mais des médias dominants et de leur traitement du mouvement social. Dans la mesure où les médias dominants appartiennent tous à des grands groupes financiers et à des amis du président empereur, je pense qu'il n'y a pas de surprise. Le contraire serait étonnant. Après, les attaques contre, par exemple, la CGT, il y en avait aussi dans les années 50, c'était les agents de l'étranger. Aujourd'hui, c'est ceux qui ruinent la France. C'est de la même façon, Sud peut être accusé d'avoir organisé, par exemple, l'envahissement des locaux de la CFDT. France Culture parle de violence ce matin. Oui, mais ils parlent tous de violence. À partir du moment où on chante, donc c'est violent. Si on n'est pas d'accord avec quelqu'un et qu'on chante un slogan, c'est de la violence. Enfin bon. Apparemment, France Culture, pour citer cette radio, quand c'est des gilets jaunes qui sont éborgnés, on parle rarement de violence, en tout cas. Je remarque que la seule enquête sérieuse, entre guillemets, faite sur les violences de l'autre côté, donc les violences policières, c'est à cause d'un croche-pied. Par contre, toutes les enquêtes de l'IGPN sur les gens qui ont été éborgnés et tout, pour l'instant, ça n'a pas abouti à une seule condamnation. Il y en a même qui ont été décorés, d'ailleurs. Donc, mais voilà. Et on parle souvent de... Enfin, la CGT a des propositions en matière de retraite assez précises, donc ils en parlent régulièrement. Solidaire, donc les positions de Solidaire sont plus à rapprocher de Copernic, Attac. Enfin, est-ce qu'il y a des grandes lignes comme ça dont tu peux... Oui, après, il y a des points communs, dans les deux. Sur l'égalité salariale homme-femme, sur la baisse des recettes, ce qui se passe pour les personnes gagnant au-dessus de 10 000 euros, sur la question de l'emploi, évidemment, il y a des choses qui se rejoignent. Après, on a insisté peut-être plus à Solidaire sur l'augmentation des cotisations patronales, puisque ça avait été avancé plusieurs fois comme une des solutions. D'ailleurs, quand Édouard Philippe a dit « Bon, si on retire l'âge pivot, j'accepte la proposition de la CFDT d'une conférence sociale, on va discuter. Il n'y a aucun tabou, comme disait l'autre, tout est sur la table. Mais tout de suite après, venez. Mais évidemment, il est hors de question d'augmenter les cotisations patronales. Bien sûr. Puisque ça augmenterait le coût du travail. Et si ça augmente le coût du travail, il y aura plus de chômeurs. » Enfin, etc. C'est le discours. Moins de compétitivité. Voilà, c'est le discours habituel. Donc on commence par dire tout est ouvert, tout est en discussion. En réalité, rien n'est à discuter. C'est vous acceptez mon projet ou pas. Et une dernière question sur ce plan-là, sur la phrase de François Ruffin. Donc à la fin, c'est nous qu'on va gagner. Est-ce que tu crois qu'on peut encore, malgré le jeu gouvernemental, malgré justement les... Tout ce qui peut se passer au niveau de la désinformation, tout ce qui est Philippe et Macron droit dans leurs bottes, est-ce qu'il y a encore un espace pour justement l'emporter? Je crois que nos amis belges ont montré que c'était possible. Le gouvernement belge a reporté tout projet de ce type de passage à la retraite par points. Bon, il faut dire qu'il y a une grosse différence en Belgique. Enfin, il y a une différence en tout cas de taille. C'est que les deux confédérations syndicales, il n'y en a que deux. La FGTB, qui est plutôt cataloguée, social-démocrate, où il y a des courants qui iraient de sud à la CGT, tout ça dans la FGT. Et de l'autre côté, la CNE, donc qui est une... CSC, ouais. La confédération qui s'apparente plus à la CFTC, de tradition chrétienne. Les deux ont été dans la bagarre ensemble et le gouvernement a dû reculer. D'ailleurs, dans les manifestations à Lille, on a eu le plaisir d'avoir des grosses délégations belges il y a deux semaines avec les deux syndicats représentés et leur discours était très clair là-dessus. Et ils nous ont dit eux-mêmes, si on y est arrivé, c'est à vous maintenant de le faire. Parce que sinon... tous les restes des systèmes de protection sociale qui peuvent exister encore en Europe, qui sont sans doute moins favorables que celui qui existe en France, ils vont tomber aussi. Donc l'enjeu, il est énorme. Alors je ne peux pas répondre, après c'est joker, savoir si on va gagner ou pas. Mais en tout cas, si nos amis belges l'ont fait, on peut le faire. C'est un encouragement en effet. Quel optimisme. La prochaine séance, c'est quand même la conférence sur le financement. Est-ce que c'est une échéance vraiment? Il nous reste 5 minutes. Oui, non, puisque déjà, encore une fois, le financement, c'est ils ont exclu l'augmentation des cotisations patronales ou même salariales. Donc, parce qu'on pourrait imaginer qu'on fait un cocktail, on augmente de 1% et de 0,5%, par exemple, pour les salaires, mais ça, ils le rejettent de toute façon. Donc, les financements, on en revient toujours au même point. Ou admettre qu'il faudra reculer l'âge de départ en retraite, ou instaurer un âge d'équilibre, ou baisser les pensions de retraite. Pour l'instant, moi, je ne vois pas d'autre piste. Ils n'acceptent, ils n'ont retenu aucune autre proposition alternative, que ce soit la taxation des robots, que ce soit l'augmentation des cotisations, que ce soit enfin imposer l'égalité salariale femmes-hommes dans les entreprises. Donc c'est sans issue, c'est du vent. C'était pour gagner du temps, essayer d'arracher à tout prix l'aval d'au moins 3 organisations syndicales, donc la CFTC, la CFDT et l'UNSA. Sachant que, bon, par exemple, la Confédération Générale des Cadres, et notamment sur le point qui a été dit à base des négociations, tient bon tout là-dessus, elle est consciente, et ça c'est nouveau, et c'est quand même un élément très positif, et une des conditions peut-être de succès aussi de ce mouvement. Ce qui rend d'ailleurs l'intersyndicale majoritaire avec la présence de la CFE. Oui, puisque je crois que le représentant de FO l'a clairement dit, quand les médias disent tout le temps « vous êtes minoritaire, vous êtes minoritaire », non. Les syndicats qui rejettent la réforme et qui demandent son retrait représentent 57% des salariés aujourd'hui. Oui, effectivement, le problème étant la CFDT qui a applaudi sur la conférence de financement, etc., et qui joue un sale rôle finalement des salariés. Est-ce qu'on sait s'il y a une hémorragie des syndiqués de la CFDT, comme il y a eu dans le temps, massivement, à une époque, 2003, par exemple, en 2003, ouais. Est-ce qu'on le sait, ça ? Est-ce que tu sais, ça ? Ben, moi, je pense que non. Je pense que non, qu'aujourd'hui, les gens qui sont à la CFDT, comme les gens qui étaient peut-être au Parti communiste, enfin, parler qui n'a rien à voir, mais une fois qu'on est rentré à la CFDT dans ces années-là, à part quelques démissions individuelles, ou alors le SGEN CFDT qui prend position aujourd'hui clairement contre... Mais pour l'instant, il n'y a pas de départ massif. De la même façon, quand la direction de la CGT a été contestée à un moment sur son manque d'agressivité, de combativité sociale, il n'y a pas eu des départs massifs de la CGT, sauf dans des petits secteurs précis, dans la protection sociale, justement, des secteurs comme ça. Donc non, je ne pense pas qu'il y aura de départ massif. Après, par contre, au niveau des élections professionnelles, on verra le résultat de cette politique de collaboration ouverte avec le MEDEF et la République En Marche. Ce sera un test effectivement assez intéressant. Encore une question, les amis ? Peut-être à propos de l'espérance de vie, puisqu'il semble que l'espérance de vie n'augmente plus aussi vite qu'auparavant, donc le rythme actuellement serait beaucoup plus lent que celui sur lequel l'INSEE notamment se basait pour ses prévisions démographiques. Est-ce que les scénarios justement concernant l'évolution du financement des retraites sont-ils encore pertinents ? Ben, si on le prend sur ce point-là, non. Parce que non seulement l'espérance de vie en bonne santé, parce que c'est ça qui est le plus important, a reculé. Depuis déjà la réforme Balladur, mais ça s'est largement accentué. Et là, avec ce système-là, où il faut... Ah oui, parce que n'oubliez pas aussi que donc, vous toucherez, on vous garantit 1 000 euros pension si vous avez travaillé une carrière entière. Oui. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, le seuil de pauvreté en France, en 2019, était à 1 200 euros et que le minimum vieillesse en France était à 903 euros. Donc, on nous propose en fait de passer... Quelqu'un qui aura fait une carrière entière sera au minimum vieillesse. Et sur la question, un truc, non seulement l'espérance de vie en bonne santé recule, mais l'espérance de vie tout court recule. Notamment déjà aux États-Unis, en Russie, en Chine et dans un certain nombre d'autres pays. Et d'Europe aussi. En Allemagne ou... Voilà, donc les effets combinés de ces mesures sur la protection sociale, de la pollution, tous ces phénomènes-là, de l'intensité du travail qui est beaucoup plus importante qu'il y a 30 ans, fait que les gens sont usés beaucoup plus vite et qu'ils meurent plus tôt. Et d'ailleurs, pour rappel quand même, l'espérance de vie d'un manœuvre, c'est 59 ans. L'espérance de vie d'un égoutier, c'est 58 ans. Oui, mais voilà, sur une... Oui. Juste une petite parenthèse par rapport aux 4 critères de pénibilité qui avaient été balayés par Macron-Pénicaud, donc parmi lesquels les vibrations mécaniques, donc Là aussi, je ne sais pas si vous êtes déjà passé devant quelqu'un qui manie un marteau-piqueur, mais enfin, le gars qui fait ça toute la journée, c'est quand même assez rude, quoi. C'était juste une parenthèse. Très utile, j'en sais quelque chose, puisque j'ai fait la formation des gens qui avaient 20 ans de marteau-piqueur au Zoo du Nord à une époque. Eh bien, on va terminer là, sur cette note pas très, très joyeuse. Heureusement qu'on a parlé de Ruffin et que c'est nous qu'on va gagner quand même. Sans parler des Belges. Sans parler des Belges, bien sûr. Merci Ludovic d'ajouter ça. Une pause musicale. À cause de Macron. On se laisse pas faire, tu nous prends toutes pour des connes. Ton sale plan en retraite nous jette dans la précarité. Ta retraite à point n'aime pas les petits jobs en pointillés. Moi, tu vois, je veux être autonome. À cause de Macron, c'est la chute des pensions pour Fatou et Marion. À cause de Macron, grande perdante nous serons, faut te dire sur quel ton. À cause de Macron, on crie révolution. À cause de Macron. À cause de Macron. La déprime, c'est le mot qui vient quand je pense à mes copines. En mode gilet jaune, vénère, pour nous c'est la galère. J'hallucine pour nos gosses trim, ça vaudrait pas un centime. Fais ton film, mais la lutte, oui, c'est notre style. À cause de Macron, Blackrock prend nos pognons, capitalisation. À cause de Macron, ma moitié meurt, c'est con, moins de pension, de rédaction. À cause de Macron, on aura moins de ronds à cause de Macron. À cause de Macron. C'est de la faute de Macron et sa team, si c'est surtout les femmes qui triment. APL, chômage, les plus précaires, c'est les femmes d'aujourd'hui comme d'hier. C'est la faute de Macron et sa team, de le voir maintenant qui est trachetski. C'est quoi ce i qui en a trop marre du défilé de ces tocards? Nous on cumule pas les emplois comme de le bois. À cause de Macron, les filles sont sous pression bien plus que les garçons. À cause de Macron, on crie révolution. À cause de Macron. Et donc, c'était à cause de Macron, donc c'est fait par les effrontés. On peut retrouver en manifestation à Paris, d'après ce que j'ai vu. Oui, et puis surtout attaque, en fait. Oui. Puisque dans les chanteuses, il y a aussi notre comment dit-on ? Co-président. Mais non, pas consoeur. Notre porte-parole. Oui, une de nos porte-paroles. Eh bien, on va attaquer les activités d'attaque, René. Oui, alors au plan national, déjà, c'est le retour du CETA. Après un premier vote à l'Assemblée nationale avec une courte majorité le 23 juillet 2019 sur le projet de loi autorisant la ratification du CETA, ce sont maintenant les sénatrices et les sénateurs qui devront s'exprimer dans les prochains mois. Cet accord de commerce et d'investissement avec le Canada, contre lequel, je vous rappelle, nous avons mené une longue campagne, a été l'objet de nombreuses approximations, omissions et contre-vérités. Donc le mois dernier, ATTAC a publié une note, réponse à 10 contre-vérités sur le CETA, permettant de faire le point et de rétablir les faits. Un front de plus donc. Alors la réforme des retraites, on en a déjà pas mal parlé. Oui justement, ben ATTAC aussi. Alors face à ce projet de réforme, ATTAC France, avec de nombreuses organisations syndicales et associatives partenaires, développe bien sûr expertise et argumentaire. Ces organisations se sont regroupées au sein du réseau retraite. ATTAC a publié récemment plusieurs notes et rapports, notamment sur l'orientation vers la capitalisation induite par cette réforme, que l'on peut trouver sur le site. L'organisation participe également aux manifestations et aux actions de terrain, comme d'ailleurs nous vous en avons parlé au cours de l'interview. Par exemple, ce jet de pantoufles au ministère de l'Économie et des Finances, mené par plusieurs centaines de militantes et militants d'ATTAC et de cheminots et cheminotes en grève jeudi dernier. Et à signaler aussi cette parodie du tube « À cause des garçons », devenu « À cause de Macron », que Florent a eu la bonne idée de vous faire écouter et qui est effectivement le résultat d'un travail entre une association féministe, donc les effrontés, et ATTAC. Alors, il y a cette fameuse loi qu'on appelle le PPL Avia. Oui, ou la loi N. Explique un peu. Alors, voilà, c'est une loi qu'on appelle, la loi N, disons, pour faire simple. H-A-I-N-E, hein. Bien sûr, oui, pas N, qui doit être examinée par l'Assemblée nationale le 20 janvier. Alors, les grandes plateformes en ligne, comme Facebook, par exemple, devront censurer en 24 heures les contenus manifestement illicites qui leur seront signalés, sous peine de sanctions. Oui, mais cette censure automatisée transfère le pouvoir de la justice à une poignée d'entreprises. Elle pourra être facilement instrumentalisée par le gouvernement pour censurer ses adversaires politiques. Le délai de 24 heures empêchera les plateformes de mener leurs actions contre les contenus les plus problématiques. Certes, le sujet est à prendre au sérieux, mais contre la haine, la solution est humaine et culturelle. Elle ne sera jamais le résultat magique des algorithmes de Facebook ou de Google. ATTAC appelle ses sympathisants et sympathisantes à se mobiliser pour joindre les députés et leur demander de rejeter ce texte. Vous pouvez utiliser l'outil de la quadrature du net qui est accessible sur le site d'ATTAC France. Ils font le point assez clairement là-dessus, la quadrature du net. C'est à voir sur le site, en effet, d'ATTAC. Alors, au plan local, maintenant. Alors, d'abord, la gratuité des transports. Bien sûr, nous continuons notre campagne de porte-à-porte dans le quartier du Cul du Four à Roubaix. Mais il y a surtout deux dates à retenir. Le jeudi 6 février, une soirée échange et savoir à l'Université populaire citoyenne de Roubaix, où nous présenterons notre projet sur la gratuité des transports. Et le samedi 7 mars, une réunion publique qui est prévue dans le quartier du Cul du Four. Le lieu n'est pas encore retenu. Oui, on interpellera également les candidats aux élections municipales pour leur demander leur avis leur position surtout, sur la gratuité des transports. Ça risque d'être un peu sportif parce qu'il y aurait pas mal de monde qui se présente à Roubaix, n'est-ce pas, Didier ? Et puis... Delbar le dernier. Delbar le dernier, sûrement. Ah oui. Et puis, il y a eu la cérémonie des Doigts d'Or ce jeudi dernier. C'est ça, c'était au théâtre Sébastopol à Lille. Ce spectacle a rassemblé plus de 3000 personnes, spectateurs, spectatrices. C'est donc un incontestable succès. Je vous rappelle, les Doigts d'Or, c'est bien sûr l'église de la Très Sainte Consommation. Nous étions partenaires de cette manifestation avec l'ANV COP21, Alternativa, Extinction Rebellion et la ZAP de Saint-Sauveur. ce qui nous a valu de monter sur scène et de participer au spectacle. En particulier toi, René, qui a déjà l'habitude de la scène avec le Théâtre de l'Opprimé et qui maintenant va carrément sur la scène au Théâtre Sébastopol. Voilà, avec le drapeau en plus. Nous avons bien sûr aussi tenu un stand de documentation sur les publications d'Attaque. Ouais, merci Valérie. Et je vous rappelle deux dates également. Donc le 27 janvier, le ciné-débat au Méliès autour du dernier film de Marie-Monique Robin, Nouvelle Cordée, sur les territoires zéro chômeur. Avec la présence de Marie-Monique Robin en personne et de Jean Gadré, que tout le monde connaît, je crois. Donc c'est en partenariat avec les Amis du Monde Diplomatique, ATD Quart-Monde et Attaque. Je crois que tout le monde connaît Marie-Monique Robin aussi, d'ailleurs. Oui, je pense. aussi. Le 7 février, alors. Et le 7 février, c'est un débat proposé par les Amis du Monde Diplomatique et Attaque sur le thème « Faut-il réindustrialiser la France ?». Alors, c'est à la suite d'un article de Jean Gadré qui est paru dans le Monde Diplo en juillet dernier. Donc, bien sûr, Jean sera aussi présent à ce débat. Avec Gabriel Colletis, qui préside l'association Manifeste pour l'Industrie. Et donc, Ce débat aura lieu dans les nouveaux locaux de la MRES, 5 rue Jules de Vic, à Fives. Et donc, d'autres dates de l'agenda militant. Alors, une conférence sur le thème de l'agro-industrie et ou agroécologie. Où se trouve la modernité? Où se trouve la déraison? Donc, ça sera le mercredi 22 janvier de 19 à 21h à la scène nationale de la Rose des Vents, boulevard Van Gogh à Villeneuve-d'Ascq. Également conférence gesticulée Nucléaire Solitude, donc contexte en 2017, à Bure dans la Meuse, la lutte contre le projet d'enfouissement des déchets radioactifs et à son paroxysme. C'est ainsi qu'Emma rencontre Étonque par une nuit de verglas et de solitude où elle devrait ensemble vider les toilettes sèches dans le fond du jardin. Dans un éclair de lucidité déchirant le ciel sans lune, elles réalisent toutes les deux que leur vie, c'est de la merde. Elles fondent alors le comité imbaisable, uni par l'idée de mettre le feu à la barricade émotionnelle du virilisme et du pouvoir, et ainsi de sauver le monde. Wow. Elles écrivent une conférence gesticulée avec l'intention ferme de rompre avec l'intellectualisme du milieu anarcho-autonome et fonder organiquement leur doxa en donnant corps à la notion de devenir désiré. Les mots manque affectif vous renvoient à des souvenirs récents. Vous n'avez pas cessé de croire à l'amour transcendant. Vous êtes désemparé par votre jalousie ou votre insécurité. Cette conférence est faite pour vous. Le premier spectacle au monde qui parle à la fois de la France, de la Galles et de France Galles. Donc ça sera au CCL le samedi 25 janvier à 19h30. Alors... de Lille à Barcelone, comprendre la gentrification pour mieux la combattre. Atelier discussion mené par Antonio Delfini, membre de la maison d'édition Les Étacs et co-auteur de l'ouvrage Contre Euralille, donc qu'on a invité ici, et Javier Jurudeau, anthropologue. L'atelier histoire et de géographie critique vous invite à une après-midi d'analyse comparée des politiques urbaines dans une métropole du Nord et une métropole du Sud de l'Europe. Dans les deux cas, le même leitmotiv, être attractif, faire de la ville une matrice économique compétitive à l'échelle européenne. Lille et Barcelone voient leurs loyers exploser. Les quartiers populaires se retrouvent peu à peu colonisés par les pépinières d'entreprises, les centres commerciaux ostentatoires et les appartements Airbnb. Partout, c'est la même architecture de béton froid qui s'impose et qui grignote la ville. C'est l'ensemble de ces mécanismes constitutifs d'une véritable chasse aux pauvres que les intervenants tenteront de démonter à partir des trajectoires propres de chacune de ces deux métropoles. Donc c'est le samedi 1er février à 15h à la médiathèque du Vieux-Lille, place Louise de Bétigny. Et sur le même thème de la ville, la société Louise Michel invite Hélène Hatzfeld, maître de conférence à l'UP de Paris, à parler de son livre « La politique de la ville ». L'intervention citoyenne à Louviers entre 1965 et 1983. Donc Louviers a connu une vie politique et citoyenne intense, étonnante sur cette période-là. L'enquête est menée par Hélène Hatzfeld, intervenante, dans les archives et auprès des acteurs de l'époque et met à nu les continuités et les transformations d'un projet d'émancipation sociale, politique et humaine qui rebondit d'une décennie à l'autre jusqu'à aujourd'hui. Donc ça sera le lundi 10 février à 19h au Moulin de Oisem, 30 rue des Meuniers à Lille. Et pour finir, l'ingénieur face aux limites de la croissance. Une conférence sur le rôle de l'ingénieur et plus globalement de l'étudiant face aux crises globales auxquelles l'humanité fait et fera face. Donc c'est avec Vincent Liégier en intervenant, qui est un chercheur interdisciplinaire et conférencier autour de la décroissance. Il s'attachera à expliquer le rôle que peuvent avoir les étudiants